Vous êtes 10 sur un temps pitasse, plus avoir du cœur, fils de pute, ouais c'est ma quiche tâche, je suis mon producteur. Vends la boîte, on se gare, on est 10, videur à prépare. Un 9M côté passager, un côté conducteur. Soir c'est la fête, ça dépend de l'humeur. Imagine un escroc à la tête, des restos du cœur, on repart de moins d'une heure. Ouais, regarde nos gueules, tu parles à des dealers. Ouais, futur comme la NASA, un jet à type Haza, pas d'équipe de Haza, tu sais qu'on fait pas ça. Ta voiture est traçable, t'es même pas un ennemi, t'as même pas de massa. Ouais, tu vas rien faire, ouais. Ouais, t'as parlé pendant 6 mois, la capitale en est moi. Fils de pute, dès que je te vois, ça fait boum boum. Mes papas auraient fait si j'ai pas pris des daf. Me demande jamais si j'ai pris du crack. Si t'es en peur, ne dis pas mon nom, appelle-moi d'abord. Un mec, on a pas peur de sortir, pas peur de la mort. C'est ton pote qui est resté à table, qui a donné le ghost, fils de pute. Il va trinquer, recevoir un message que tout est bon. Il va te sourire et te taper le dos. Ouais, ouais, le monde est méchant. Le monde est méchant, des fois l'amour est faux. Je panique l'ambiance, alors sors la quiche tard. Pense à la meuf à côté de toi ou à côté d'elle. Après deux tailles de champagne, gros la vie est belle. Elles étaient pas trop belles, bon on leur a mis des perles. Elles étaient pas trop bonnes, bon on leur a mis des perles. Moi